celui qui répond à toutes les personnes par rapport aux questions qu'on lui pose est un fou. Il n'est pas autorisé à une personne de parler, de transmettre mes paroles s'il ne connaît pas les preuves sur lesquelles je m'appuie. طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. Je continuerai de chercher la science jusqu'à la mort. Ash-Shaabi a dit, dire je ne sais pas représente la moitié de la science. L'étudiant en religion ne délaisse l'acquisition de la science qu'à sa mort. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سميع يسمع الأصوات باختلاف اللغات على تفنن الحاجات رب الأراضين والسماوات غفور غفار لا يزل ولا يزال بعفوه معروفا وبالصفح عن عباده موصوفا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين ونحن على ذلك من الشاهدين وتركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الكلام كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Chers frères, chers sœurs, Inch'Allah Azza wa Jal, nous continuons cette série de cours de Durus sur l'importance et les mérites et les faveurs, les bienfaits de la science. Et ce cours d'aujourd'hui va consister à parler sur l'importance du temps et sur l'intention. Sur l'intention al-ikhlas, la sincérité, bi-ibnillah Azza wa Jal. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام اثنان في الناس مغبون فيها كثير من الناس الفراغ الصحة والفراغ الصحة والفراغ. Le prophète عليه الصلاة والسلام dit il y a deux choses que les gens négligent beaucoup ou ils ne font pas attention à ces deux choses. C'est quoi ces deux choses? C'est le temps libre et la santé. Le temps libre et la santé. Et au sujet de l'importance du temps, Al-Asfahani rapporte que Hassan al-Basri rahimahullah a dit « Ô enfant d'Adam, tu n'es en réalité que des jours. Lorsqu'un jour passe, c'est en fait une partie de toi qui s'en va. » Yaqul Hassan al-Basri يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك كلما ذهب يوم ذهب بعضك هو enfant d'Adam tu n'es en réalité que des jours tu es que des jours et chaque jour qui passe en fait c'est une partie de toi qui s'en va. Et Allah عز وجل a dit في سورة العصر قال الله عز وجل والعصر il a juré par العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وآمنوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. وهذا يعني سين بارتي دو أصول الأصول الثلاثة les trois principes de محمد ابن عبد الوهاب. Donc Allah عز وجل jure par le temps. Il dit l'homme est certes en perdition. sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Cela et ceux qui se conseillent mutuellement par la vérité et par l'endurance. Ibn Kathir, dans son tafsir, il dit que l'imam Shafi'i, rahimahullah, a dit, si les hommes méditaient sur cette sourate, elle leur serait suffisante. Si les hommes méditaient sur cette sourate, sur cette sourate, elle leur serait suffisante. Akhi, Akhti Karima, qu'est-ce que on dirait de nous au jour d'aujourd'hui? Est-ce qu'on s'investit dans la demande de la science? Où passe notre temps? Où passe notre temps? Dans Kal, Akhil, dans des choses futiles qui ne servent à rien. Est-ce qu'on passe notre temps à la recherche de la satisfaction d'Allah Azzawajal ou dans la satisfaction de nos désirs et nos passions et, nos, et notre hawa? Donc, Talib al-Ilm, celui qui demande la science, doit porter attention particulièrement à ne pas perdre son temps. Tu ne dois pas perdre ton temps dans les choses futiles. Donc, on ne dit pas, ouais, on profite, non, on ne profite pas. Donc, on profite notre temps libre dans l'adoration d'Allah Azzawajal, seulement. Ibn Aqil, rahmatullahi wa alayhi, yaqul, ما علمت أني ضيعت ساعة من عمري في لهو أو لعب. Ibn Aqil, rahimahullah, nous dit, il ne m'est pas permis, ou j'ai pas passé, je n'ai pas passé, il ne m'est pas permis de perdre quelque chose de mon temps. Il ne me, je ne me rappelle pas que j'ai perdu mon temps dans l'amusement ou dans mes passions. En fait, il a consacré son temps à quoi? À écrire. Il avait consacré son temps à écrire et à faire du dhikr, des invocations, et à faire l'istighfar. Comme le prophète alayhi salatu wa salam a dit, Touba liman wujida fi sahifatihi kathiru l'istighfar. Il a dit, faveur ou c'est un grand mérite pour celui qu'on trouve dans son livre beaucoup d'istighfar. L'istighfar, c'est la demande de pardon. Et parmi ceux qui ont vu l'imam Khatib al-Baghdadi, parmi ceux qui ont vu l'imam Khatib al-Baghdadi, rahmatullahi alayh, ont rapporté, ont dit, je ne l'ai jamais vu sans un livre à la main. Ils disaient comme quoi ils l'ont jamais vu sans livre à la main. Ils avaient tout le temps un livre à la main. Il avait tout le temps un livre à la main. Est-ce qu'aujourd'hui, quand on monte dans le bus ou quand on sort et quand on est dans une salle d'attente, en train d'attendre le médecin, est-ce qu'on sort notre petit Coran qu'on a dans la poche et on le lit? Et le prophète, et Allah Azzawajal a dit, وَقَالَ الرَّسُولُ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Et le prophète a dit, oh Allah, ma communauté a délaissé ce Coran. Et donc, l'Ahnaf on dit, si la personne ne lit pas le Coran pendant 40 jours, elle rentre dans cette parole, elle rentre dans la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. Donc, et certains rapportent la même chose par rapport à Abdullah ibn Omar. Abdullah le fils de l'imam Ahmed, Afouane. Il a dit la même chose. C'est-à-dire qu'il était toujours avec des livres à la main. والذهبي رحمه الله عليه rapporte في السير سير أعلام النبلاء dans la biographie dans la biographie de عبد الوهاب ابن وهب قال comme quoi son temps était consacré à la recherche de la science. Son temps était consacré à la recherche de la science dans l'invocation et dans la prière. Son temps, c'était ça. Demande de la science, dhikr, il faisait ses invocations et il faisait sa prière. Son temps était consacré à ces trois choses. Et il est rapporté également que Mohamed ibn Abd al-Baqi, Mohamed ibn Abd al-Baqi, a dit, je n'ai jamais perdu une heure dans ma vie dans le jeu ou la plaisanterie. Il a dit, je n'ai jamais perdu une heure dans ma vie dans le jeu ou la plaisanterie. Donc nous, combien d'heures, combien de jours, combien d'années on a perdu à satisfaire notre nefs, à satisfaire nos désirs. Et subhanallah, l'imam Shafi'i dit, j'aurais aimé écrire tous ces livres sans que les gens sachent que c'est moi qui les ai écrits. J'aurais aimé écrire ces livres sans que les gens sachent que c'est moi l'auteur de ces livres. Donc ils n'aimaient pas qu'on les connaisse. Rabbi Allahu Anhu, ils voulaient pas en fait se montrer et avoir cette notoriété, être connu de tout le monde. Donc, Akhi wa Ukhti, Ibn Qayyim, rahimahullah, dans son livre Al-Fawa'id, Kitabun Qayyim, dans son livre Al-Fawa'id, Safha 64, page 64, nous dit, la perte de temps est pire que la mort. Saviez-vous pourquoi? Parce que la perte de temps te sépare d'Allah Azzawajal et du jour dernier, tandis que la mort te sépare de ce bas monde et de ces gens. Yaqul alayhi rahmatullah, إضاعة الوقت شر من الموت. لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله واليوم الآخر والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها. Des paroles en noir. Donc, le fait de perdre ton temps, ça te quoi? Ça te coupe d'Allah Azza wa Jal et ça te coupe du jour dernier. Sa'd ibn Abd al-Aziz, rahmatullahi alayh, il dit, je m'asseyais le matin pour étudier la science avec Ibn Abi Malik. En fait, vous allez voir leur temps, comment ils découpaient leur temps, comment ils programmaient leur journée. Il a dit, je m'asseyais le matin pour étudier la science avec Ibn Abi Malik. Après la prière de Dhuhr, je m'asseyais avec Ismaïl Ibn Ubaid. Ibn Ubaidillah. Et après l'Asr, je m'asseyais avec qui? Avec Makhoud, ou Ibn Tabi. Donc, Akhi, هذا هو منهج السلف الصالح. Et ceci nous montre à quel point ils ne perdaient pas leur temps. Et démontre également l'importance qu'ils accordaient au savoir et à l'apprentissage de la science. الثالث عشر الذهبي رحمه الله يقول يعني رابورت que l'imam الجرجاني إسماعيل الجرجاني الجرجاني رحمه الله عليه écrivait chaque nuit 90 pages. Chaque nuit, il écrivait 90 pages. Et que ceci lui a permis de recopier entièrement le Sahih Muslim en une semaine. T'imagines, Sahih Muslim, tu le recopies en une semaine. Et Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, Majmou' al-Fatawa, il l'a écrit où? Il l'a écrit en prison. Il était en prison. Il a écrit Majmou' al-Fatawa. Et il y a combien de mujallad, il y a combien de livres? Et subhanallah, à cette époque, ils avaient cette baraka dans le temps. Et ils n'avaient pas d'imprimante ou de photocopieuse, donc ils écrivaient à quoi? Ils écrivaient à la main. Ils écrivaient à la main. Donc, notre temps, on le passe où? On le passe aux distractions, on le passe à parler dans des choses qui ne servent à rien, dans des choses qui nous sont inutiles. Waqi' ibn Jarrah, rahmatullahi alayhi, rapporte que l'Amash, هذا من كبار التابعين. الأمش كان له طلبة علم. Il avait des demandeurs de science. Et subhanallah, il était un peu dur avec ces talabas. Il était dur avec les demandeurs de science. Donc, à chaque fois que les demandeurs de science arrivaient à la maison pour rentrer demander la science, il avait un chien. Donc, ce chien, il le lâchait pour qu'il les attrape. Donc, le lendemain, ils arrivent et regardent si le chien est devant la maison, s'il est attaché ou pas, s'il va les mordre. Donc, un jour, ils sont arrivés le matin avec leur livre. Ils voulaient demander la science chez l'Amesh. Donc, ils sont arrivés. Donc, le chien va sortir, le chien va sortir, le chien va sortir. Jusqu'à ce qu'ils sont rentrés dans la maison de l'Amesh. Ils l'ont trouvé en train de pleurer. Ils l'ont trouvé en train de pleurer. Donc, ils sont rapprochés de lui. Ils ont dit, « Ya Imam, pourquoi tu pleures ?» فَقَالَ لَهُمْ فَنَظَرَ إِلَيْهِمْ وَقَالَ لَهُمْ لَقَدْ مَاتَ الَّذِي كَانَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَاتَ الْكَلْبُ. Donc il a dit quoi? Il a dit, le chien qui ordonnait le bien et désordonnait le blâmable est mort. Et Allah ici, c'est pas ici, il voulait voir, il avait ce chien, il le lâchait pourquoi? Pour voir s'il y avait des talabat ilm, des gens qui voulaient demander la science avec sincérité. Ils avaient cette envie ou juste ils venaient juste pour qu'on dise ouais un tel vient demander la science. Donc ils voulaient voir si ils avaient cette envie. Donc l'Amesh rahimahullah atteignait les 70 ans. Il a perdu la vue. Et malgré cela, il n'avait jamais manqué le premier takbirat al-ihram. Il n'a jamais manqué takbirat al-ihram avec l'imam lors de la prière en groupe. وهذا الكلام يعني منقول نقله الإمام الذهبي رحمة الله عليه في سير أعلام النبلاء صفحة 232 والإمام القاضي تقي الدين سليمان رحمة الله عليه rapporte qu'il n'a jamais accompli une prière obligatoire tout seul excepté deux fois. سبحان الله هذا الكلام منقول في طبقات الحنابلة صفحة 365 باج 365 إيه سبحان الله هنا وسي التابعي الجليل سعيد بن المسيب يجي هنا هو رابورت كم كوا il avait pas manqué تكبيرة الإحرام في جماعة في المسجد 40 سنة 40 سنة il avait jamais manqué تكبيرة الإحرام. Notre temps et notre intention, notre intention lors de la demande de la science, est-ce qu'elle est pour Allah Azzawajal? Hein? Est-ce qu'elle est pour Allah Azzawajal? Et un parmi ceux qui ont vu subhanallah, l'imam Al-Khatib Al-Baghdadi, rahmatullahi alayhi, disait, je ne l'ai jamais vu sans un livre à la main. Je ne l'ai vu sans un livre à la main. Et on a dit auparavant, les salafs ont dit, ils ont dit, celui qui rentre dans la science seul, on sort seul. Celui qui sort de la science seul, on sort seul. Yani, man dakhala al-ilm wahdahu kharaja minhu wahdahu. Celui qui rentre seul dans la science rentre, on sort seul. Et Soufiane Thawri rahmatullahi alayhi a dit, al-mala'ikatu hurrasullahi fi samaa. الملائكة حراس الله في السماء وأهل الحديث حراس الله في الأرض. سفيان ثوري nous montre l'importance des gens qui suivent le hadith, qui suivent يعني علم الحديث, la science du hadith. Il dit les anges sont les soldats d'Allah Azza wa Jal dans le ciel ou dans les cieux. Les anges sont les soldats d'Allah dans le ciel et les gens de science, les gens du hadith sont les soldats d'Allah sur terre. وقال عليه الصلاة والسلام: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل وينشر الخمر ويظهر الزنا. صحيح البخاري. الشاهد عندنا هو يرفع العلم. يعني parmi les signes de la fin des temps, c'est qu'il n'y a plus de science. Il n'y a plus de science. Donc s'il n'y a plus les soldats d'Allah Azzawajal sur terre qui sont Ahl al-Hadith, c'est normal que l'ignorance va se propager. C'est normal que l'ignorance va se propager. Et sur là, et nous allons voir comment, quelle était leur intention quand ils demandaient la science. Nous allons voir في ترجمة هشام الدستوائي. في ترجمة هشام الدستوائي سير أعلام النبلاء قال: والله ما أستطيع أن أقول أني ذهبت يوما قط أطلب الحديث أريد به وجه الله عز وجل. Il dit: je n'ai jamais, je suis jamais parti demander la science un jour en me disant que je le fais pour Allah Azza wa Jalla. Cette parole, voilà, il le dit sincèrement. Il dit: je n'ai jamais demandé la science, je ne suis jamais parti demander la science un jour pour Allah Azza wa Jalla. Donc, Imam Zahabi a commenté cette parole, il a dit quoi? Il a dit: Wallahi wa la ana. Il a dit: je jure par Allah, je suis dans le même cas. Je suis dans le même cas. Car as-salaf, les pieux prédécesseurs, l'ont demandé pour Allah. Allah et Allah les a fait élever. Et ils se sont et les a rendus des guides. Des guides qu'on suit. Et il y a d'autres gens. Il y a d'autres gens qui l'ont demandé dans un premier temps, non pas pour Allah, mais pendant leur chemin, Allah leur a accordé la bonne intention, il leur a accordé la sincérité. Et Allah Mujahid, rahmatullahi alayhi wa ghayruh, yaqul: talabna hadha al-ilm wa ma lana fihi kabir niyya, thumma razaqana Allah azza wa jalla an-niyya asna at-tariq. Mujahid, rahmatullahi alayhi, il dit: nous avons demandé cette science et on n'avait pas une grande intention, on n'avait pas une intention pour Allah Azza wa Jal. Il n'y avait pas cette sincérité comme quoi on le fait pour Allah Azza wa Jal. Et pendant le chemin, Allah nous a accordé la sincérité. وقال بعضهم طلبنا هذا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. On a demandé cette science pour autre que Allah, c'est-à-dire pour les gens, pour la notoriété, pour être connu de tous, pour un tel, et Allah Azza wa Jal a voulu que ça soit que pour lui. Wa hadha al-kalam kalam al-Ghazali rahmatullahi alayh, sahib kitab Ihya Ulumuddin. Donc subhanallah, ils travaillaient leur intention. Donc leur intention, il l'a travaillé, il l'a corrigé sans cesse, il l'a corrigé. Et on a vu que chaque acte de foi, chaque acte de foi qui est fait avec sincérité et selon la sunna du prophète alayhi salatu wa salam est un acte de tawhid. Est un acte de tawhid. Et chaque acte qui est fait avec ignorance, qui est fait avec ignorance pour sans sincérité pour Allah Azza wa Jal et sans suivre la sunna du prophète alayhi salatu wa salam est un acte de shirk et du kufr. Sans rentrer dans les détails, c'est un kufr akbar ou un kufr asghar. Donc Soufiane Thawri rahimahullah, il nous dit: ma alajtu shay'an ashadda alayya min niyyati. Il n'y a pas une chose qui était dure pour moi à travailler, mis à part mon intention. Donc il travaillait cette intention, il dit: li'annaha tataqallabu alayya, parce qu'à chaque fois elle change. On veut faire un acte pour Allah Azza wa Jal, mais on a vu telle personne qui nous regarde dans la mosquée, donc la prière on va l'embellir et on va. Donc cet acte n'est pas accepté par Allah Azza wa Jal. Et on rapporte qu'un imam appelé Ta'lab, rahmatullahi alayh, connu par sa science dans la langue arabe, avait toujours un livre à la main qu'il lisait, même lorsqu'il marchait. Donc le temps était quoi? Était précieux pour ces gens-là, pour Salaf Saleh. Donc même quand ils mangeaient, ils essayaient, certains choisissaient les repas, prenant le moins de temps et délaissaient ainsi ceux qui demandaient trop de temps. Certains, comme l'imam Nawawi rahmatullah alayh, ils mangeaient qu'un repas par jour. Donc il accordait le maximum de temps à la recherche de la science. D'autres encore, afin de ne pas beaucoup aller aux toilettes et ainsi perdre du temps, ils ne buvaient que très peu d'eau. Et aussi à l'histoire du cheikh, le grand-père de Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il faisait quoi? Afin de ne pas perdre son temps, quand il cherchait la science, il donnait un livre à son fils. Il donnait un livre à son fils et il lui ordonnait de lire le contenu alors qu'il était aux toilettes. Il lui demandait de lire et on rapporte la même chose au sujet de l'imam Ibn Hatim. L'imam Abu Hatim, rahmatullahi alayh. Et on rapporte qu'un homme demanda à l'imam Ahmed. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, mais jusqu'à quand tu vas continuer à chercher la science? Jusqu'à quand tu vas continuer à chercher la science? Alors que tu es devenu un imam et un grand savant pour les musulmans. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a répondu, l'imam Ahmed? Il a répondu avec l'écrit, avec l'encrier jusqu'à la tombe. C'est-à-dire, je continuerai de chercher la science jusqu'à la mort. Et une fois, on lui a dit à l'imam Ahmed, جزاك الله عنا وعن المسلمين خيرا. فغضب الإمام أحمد وقال ويحك بل جزى الإسلام والمسلمين عني خير الجزاء. من أنا Donc il a dit que Allah t'accorde que Allah t'accorde la miséricorde par rapport à ce que tu as fait aux musulmans et par rapport à ce que tu as avancé à l'islam, par rapport à ta science. Et c'est énervé, l'imam Ahmed, il a dit, au contraire, c'est Allah qui m'a accordé, c'est l'islam qui m'a accordé cette faveur, et c'est la science qui m'a donné ce degré. Je suis qui pour parler, pour que tu puisses parler de moi de cette façon? Je suis qui pour que tu puisses parler de moi de cette façon? Donc, Allah, l'imam Tabari, rahmatullahi alayh, un jour il était souffrant sur le lit de mort. L'imam Tabari, imam Mufassir, ou là où tafsir Tabari. Une personne était présente au moment de sa mort, cette personne était près de lui et elle lui mentionna une faïda, un enseignement. Il y avait une chose très importante dans l'imam demanda alors une feuille et un stylo. Il demanda quoi? Une feuille pour l'écrire. Pour écrire cette faïda, cet enseignement. Pour montrer al-hirf. Al-hirf. Il ne pouvait pas rater une faïda, une chose qui peut lui servir. والإمام الشافعي رحمه الله عليه يقول dans des vers il dit أخي لن تنال العلم إلا بست سأنبئك عن تحصيلها ببيان حرص واجتهاد وذكاء ودعوة مع صحبة شيخ وطول زمان il dit mon frère, tu n'arriveras jamais à avoir la science sans ces six choses. Je vais te les montrer en détail. Le hirs, c'est-à-dire avoir, être prêt à chercher, être prêt à avoir, à atteindre l'enseignement. Hirs ou shihad. Shihad, il faut que tu sois endurant. Il faut que tu sois intelligent. Troisième chose, da'wa, il faut que tu t'appelles à cette science. Cinquième chose, faut que tu aies un cheikh. Faut que tu aies un cheikh. Parce que le cheikh te ramène ces choses-là et te fait passer cette science. Alors que si tu commences à chercher cette science dans les livres, tu vas passer des jours et des jours. Donc lui, il te ramène ce plat tout fait, tout prêt. Donc tu n'as qu'à le prendre et à le mémoriser. Puis, Tol Zaman, il faut un certain temps, il faut une durée dans le temps pour arriver à avoir de la science. Donc, l'imam Tabari, cette personne a été près de lui, elle lui a rapporté une feuille, donc il a pris la feuille, il l'a écrite. Il a écrit cet enseignement. Donc les gens présents, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont agités. Il lui-même a répondu, il a dit quoi? L'étudiant en religion ne délaisse l'acquisition de la science qu'à sa mort. Il a dit quoi? Mais pas de l'ilm, là il y a trop l'ilm, hatta. Il nous délaisse la religion jusqu'à qu'il meure. Si grand imam qu'Allah leur accorde le Firdaus, l'A'la, faisait des efforts dans l'acquisition de la science jusqu'au dernier souffle, jusqu'au dernier instant de leur vie. Où en sommes-nous au jour d'aujourd'hui de ces valeurs? De ces valeurs de science de ces hommes, de leurs efforts, de leur implication dans la science, de leur implication pour la religion d'Allah Azzawajal. Aussi bien au niveau de son apprentissage que de sa transmission. Est-ce qu'on transmet notre savoir à nos enfants, à nos proches, à nos mères, à nos pères? Ça, il y en a, par rapport à la prière, beaucoup de gens ne savent pas lire le Fatiha, qui est un pilier de la prière. Est-ce que notre quête du savoir passe avant cette dunya? Est-ce qu'on suit dunya et on laisse l'akhirah? Et on a vu que l'imam Shafi'i a dit, Man arada ad-dunya fa'alayhi bil-ilm. Même si tu veux dunya, mon frère, il faut que tu demandes la science. Où cette dunya a-t-il pris? Cette dunya a pris de l'importance dans notre vie de tous les jours. Que devrait avoir notre akhira? Donc, qu'est-ce qu'on a préparé pour notre akhira? Donc, pour qui et pourquoi tu demandes cette science? Quelle est ton intention? L'intention que tu as, c'est quoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit, Innama al-amal bin-niyyat, innama li-kulli imri'in ma nawa, fa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. En fait, il a dit, les actes sont basés sur l'intention. Donc si ton intention est pour Allah Azza wa Jal et son prophète, من كانت هجرته إلى الله, celui, et ça c'était pendant un exode, en fait, le prophète alayhi salatu wassalam était sorti avec les Sahaba, il y avait un homme, en fait, il est sorti juste pour une femme, en fait, il voulait se marier avec une femme. Donc c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasuli, fa hijratuhu ila Allahi wa rasuli. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas indiqué la récompense pour celui qui sort pour Allah azza wa jal. Celui qui sortit pendant ce voyage, il n'a pas rapporté, il n'a pas indiqué la récompense que Allah lui offrera. Donc, Al-Walid ibn Muslim a dit, j'ai demandé à Al-Awza'i, rahmatullahi alayhi, Al-Awza'i, Roumin al-Tabi'in, ibn Jarrah, pour qui avez-vous appris la science? Il a dit, pour qui avez-vous appris la science? L'imam talabtumul ilm. Yani, kulluhum ajabu bimada qalu pour moi-même. Je l'ai demandé pour moi-même. Excepté Ibn Jurayh qui a répondu, je l'ai cherché pour les hommes. Je l'ai cherché pour les hommes. Donc Al-Dahibi rahmatullahi alayhi a dit, quelle belle véracité. Quelle belle véracité. De nos jours, tu demandes à un stupide faqih, tu lui dis pour qui tu as cherché la science? Il se précipite et te dit, je cherche la science, je demande la science pour Allah Azzawajal. Je demande la science pour Allah Azzawajal. Il ment, Dhabi, Adani, Kalam Dhabi. Il ment, il l'a recherché pour cette vie ici-bas. Et de cette science, il n'en connaît que peu. هذا الكلام نقول في أعلام النبلاء صفحة باج 328. الذهبي رحمة الله عليه dit aussi, et toi injuste, tu te considères opprimé, tu consommes l'illicite et tu te vois scrupuleux. Pervers tu es et te crois juste, étudiant en sciences religieuses pour cette vie ici-bas. Tu la recherches pour Allah Azzawajal? Tu crois que tu la recherches pour Allah Azzawajal? Donc, tous, comme on l'a vu, au départ, ils n'avaient pas cette bonne intention, comme quoi ils le faisaient pour Allah Azzawajal. Puis, comme on a agi, pendant le chemin, Allah Azzawajal leur a accordé la sincérité. Et donc, le danger qu'il y a, qui va à l'encontre de la science, c'est quoi? C'est les conséquences de l'ignorance. Les conséquences de l'ignorance. Abu Daoud a rapporté que Jabir ibn Abdillah, rahmatullahi alayhi, wa radiyallahu arda, قال, nous étions sortis en voyage, une pierre toucha l'un d'entre nous en lui faisant une ouverture dans le crâne. Une pierre lui tombait dessus, et elle lui a fait une ouverture dans le crâne. Après avoir réfléchi, il interrogea les compagnons et leur demande, par rapport au jugement, est-ce qu'il doit faire les ablutions sèches ou faire ses ablutions avec de l'eau? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont répondu, nous ne voyons pas cette permission pour toi. Donc les ablutions sèches, tu peux donc supporter l'eau. Il se leva alors avec de l'eau et en arrivant chez le prophète ils ont raconté l'histoire de cet homme. Le prophète s'est mis en colère. Il a dit quoi? Il a dit qatalou qatalahumullah, qatalou qatalahumullah. Pourquoi n'ont-ils pas, ils l'ont tué, qu'Allah les tue, pourquoi n'ont-ils pas demandé s'ils ne savaient pas? Certes, le remède de la maladie de l'ignorance, c'est le fait de poser la question. C'est le fait de poser la question. Il suffit dans ce cas-là de faire le tayammum, de bander la tête avec un turban et de l'essuyer avec de l'eau. Il peut ensuite se laver tout le corps. Tout le corps. Ce hadith est rapporté par Abu Dawud, Ahmed, Ibn Majah, Al-Hakim. Donc ces gens-là connaissaient pas le jugement. Donc, ils ont parlé sans science. Ils ont parlé sans science. Ils lui ont dit donc, on voit que tu peux te laver, donc lave-toi. Donc il avait une ouverture dans le crâne. Donc cet homme mourut. Et aussi, il y a une histoire. C'est une anecdote. Pour montrer qu'une personne, si elle ne sait pas, elle doit dire je ne sais pas. Abdurrahman ibn Abi Layla, qu'Allah lui fasse miséricorde, rahmatullahi alayhi, a dit, j'ai connu 120 compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, lorsqu'on les interrogeait sur un sujet, ils se renvoyaient les uns vers les autres, jusqu'à ce que la personne revienne au premier compagnon. Jusqu'à ce que la question revienne au premier compagnon. Donc il y avait une personne qui demandait à un compagnon, ce compagnon ne répondait pas. Et il renvoyait cette personne à un autre compagnon. Jusqu'à qu'il fasse le tour et que la personne revienne vers le premier compagnon. Parce que il craignait le fait de parler sans science ou de se tromper. Abu Hanifa, rahmatullahi alayhi, يقول لا يحل لامرئ أن يفتي بكلامي إذا لم يعرف دليلي. Il n'est pas autorisé à une personne de parler, de transmettre mes paroles s'il ne connaît pas les preuves sur lesquelles je m'appuie. Il n'est pas autorisé à une personne de citer une parole si il ne sait pas les preuves sur lesquelles je m'appuie. وقالت امرأة للشعبي قالت امرأة للشعبي أيها العالم أفتني فقال الشعبي رحمة الله عليه إنما العالم من خاف الله عز وجل إنما العالم من خاف الله عز وجل une femme est venue voir le Shaabi et lui a dit oh toi le grand savant oriente-moi donne-moi une fatwa qu'est-ce qu'il a dit à Shaabi رحمة الله عليه il a dit le grand savant c'est celui qui craint Allah عز وجل Le grand savant, c'est celui qui craint Allah Azzawajal. Donc, ils n'avaient pas ils se lançaient pas à donner des fatwas. Et Al-Marwadi, rahmatullahi alayhi, il dit, celui qui prononce des avis doit connaître les avis de ceux qui l'ont précédé. Sinon, qu'il s'abstienne d'émettre des fatwas. Et celui qui parle, qui doit donner des avis, Et doit connaître les paroles de ceux qui l'ont précédé. Mais fatwa ahli ilm, qu'est-ce qu'ils ont dit? Surtout quand c'est des choses dans lesquelles il y a des divergences. Et dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Dire je ne sais pas quand on ne sait pas. Et rechercher avant de donner une réponse. Rechercher avant de donner une réponse. Il ne faut pas se lancer. Une personne est venue te voir, elle t'a posé une question. Si tu ne sais pas, tu dis je ne sais pas. والمروادي رحمة الله عليه يقول جدي عبد الله إمام أحمد أبو عبد الله إمام أحمد les gens croient que le savant c'est tout donc المروادي رحمة الله عليه قال الإمام أحمد إني أظن أن الناس يظنون أن العالم هو الذي يعلم كل شيء هو الذي يعرف كل شيء Et il m'a dit, Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agréé, radiyallahu anhu, a dit, celui qui répond à toutes les questions que les gens lui posent est un fou. Et Ibn Ahmed a dit, Ibn Mas'ud a dit, celui qui répond à toutes les personnes par rapport aux questions qu'on lui pose est un fou. Ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, man afta an-nasa بكل ما سألوه فهو أحمق من أفتى الناس بكل ما سألوه بكل يعني من أفتى الناس على كل مسألة فهو مجنون celui qui répond à toutes les personnes par rapport aux questions qu'on lui pose par rapport à toutes les questions qu'on lui pose c'est un fou donc Ali رضي الله عنه et nous allons voir aussi le grand tabi'i تابعي الزهري رحمة الله عليه الزهري a rapporté que خالد بن مسلم ابن أسلم a dit nous étions avec ابن عمر lorsqu'un bédouin lui demanda est-ce que la tante paternelle hérite est-ce que la tante paternelle hérite il lui répondit je ne sais pas le bédouin lui dit toi ابن عمر tu ne sais pas Ibn Omar dit, non, je ne sais pas, va voir les savants et pose-leur la question. Lorsque l'homme partit, Ibn Omar embrassa sa main. Il a pris sa main, il l'a embrassée. Il a dit quoi? C'est bien vrai ce qu'a dit Abu Abdirrahman. Il veut dire par là, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu. Il dit, c'est bien vrai ce qu'il a dit Ibn Mas'ud. On lui a posé une question sur une chose. Qu'il ne savait pas, et il a dit, je ne sais pas. Il a dit, je ne sais pas. Donc, quand on ne sait pas, quand tu ne sais pas, tu dis, je ne sais pas. Et comme on l'a vu avant, dans les cours précédents, Al-Shabi, rahmatullahi alayhi, Al-Shabi a dit, dire, je ne sais pas, représente la moitié de la science. Et dire, je crois, je pense, représente la moitié de l'ignorance. Représente la moitié de l'ignorance. Et quand Malik, nous avons vu, quand Malik rahmatullahi alayhi, a été questionné sur plusieurs choses. Donc, il a répondu qu'à certaines choses, et le reste, il a dit, je ne sais pas. Et la personne a insisté en lui disant quoi? Je suis venu Après de longues, j'ai fait de la route, je suis venu du bout du monde pour te poser la question et tu me réponds que tu ne sais pas, toi le grand imam de Médine, que vais-je dire au mien quand je vais retourner les voir? Imam, rahmatullahi alayh, n'a pas été. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dis-leur que Malik ne sait pas, tout simplement. Dis-leur que Malik ne sait pas. Et Abu Bakr radiallahu anhu, Arda, quand on venait le voir et qu'on lui posait des questions, on lui posait des questions sur des choses de la religion. Donc il regardait dans le Coran s'il y avait la réponse. S'il trouvait la réponse, donc il répondait. S'il ne trouvait pas la réponse, il regardait dans la sunna du prophète alayhi salatu wasalam. S'il ne trouvait pas de réponse, il faisait des efforts et il faisait une fatwa. Il répondait à cette question et il disait après, inna dhunnu illa dhannan wa ma inna dhunnu illa dhannan wa ma nahnu bimustayqin. Donc, il disait aussi, il disait, c'est un effort qu'on a fait et on n'est pas certain de ce qu'on a dit. Et il dit aussi dans une autre parole, فهذا رأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان من نفسي فمن وإن كان خطأ فمن نفسي. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول il dit il ne convient pas de se prononcer sur tout. Il ne convient pas à une personne de se prononcer sur toutes les choses qu'on lui demande. Il a cité le hadith du prophète alayhi salatu wasalam, qui disait, lorsqu'il était interrogé, il disait, je ne sais pas, il faut que je demande à Jibril. Même le prophète alayhi salatu wasalam, il ne parlait pas de lui-même. Donc c'était un wahi qui descendait sur lui. Il huwa illa wahyun yuha. وإلى هذا نستمر في الحصة المقبلة إن شاء الله أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك